Et quand les chevaliers l'avouent, si la salue et elle lui, et les chevaliers en me duit. Et la damiselle le prend par la main débonnairement.